Le 11 août, le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a répondu aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée pour accuser les autorités sud-coréennes de nous calomnier toujours en vue d'éviter la critique de l'intérieur et de l'extérieur contre la disposition du SAT en Corée du Sud. Il a dit « On sait bien que les pays voisins et la société internationale s'opposent à la disposition du SAT en alertant sur les conséquences sérieuses pour la péninsule coréenne et la région. » Surtout, avec ironie, l'opinion de l'intérieur et de l'extérieur stigmatise les autorités sud-coréennes de valets imbéciles des États-Unis, de pions que posent les États-Unis. Même au sein de la bande des fantoches, se laissent entendre des reproches suivants. Le problème du SAT a entraîné la difficulté diplomatique. C'est le martyr diplomatique jamais connu dans l'histoire. Le monde entier est stupéfié devant la bande des traîtres qui niaient obstinément la délibération sur le SAD de crainte de l'opinion de l'intérieur et de l'extérieur, même après avoir fait la promesse en secret avec les États-Unis pour la disposition du SAD et qui prétend maintenant que c'est une mesure pour les intérêts de l'État. Même si la bande de Bakounet est tombée dans une situation sans issue à cause du SAD, s'acharne à rejeter la responsabilité sur nous, elle ne pourra tromper personne ni cacher son crime qui a créé un danger grave pour la paix dans la péninsule coréenne et de la région en flattant les États-Unis. Ridiculement, elle pérore qu'elle renoncerait à la disposition du SAD si le Nord abandonnait le nucléaire et le missile, comme si elle peut faire ce qu'elle désire. Les fantoches osent opposer le SAD qui n'est rien d'autre que de foraille à nos armements nucléaires autodéfensifs, fierté de la Corée du Sud. C'est une absurdité des niais qui ne connaissent pas leur adversaire ni leur situation. Tous les Coréens sont appelés à balayer résolument la bande de Bakounet qui fait la honte de la nation et qui cause des malheurs à la société internationale pour déjouer la tentative américaine de provoquer une guerre nucléaire contre le Nord et préserver la paix dans la péninsule coréenne et la région.